Chapitre 12. Le maître terrible. Abandonnant alors le bras de Paulin Broquet, elle prit la photographie et couvrit de baisers la délicieuse image, murmure avec tendresse « My darling, oh my darling !» Puis elle le reposa sur la console et venant à la table, elle désigna à Paulin Broquet une place à sa droite et à sa gauche à l'amorce. Tout se passa désormais comme si vraiment Paulin Broquet et l'amorce se trouvaient ici non pas par surprise, non malgré eux, mais en invités, comme si Miss Eden les avait conviés à ce souper. Et ce n'était pas le moins curieux de l'aventure. Le souper fut exquis. Miss Eden se montra charmante, pleine d'esprit. Elle parla sport, chevaux, chasse, escrime, boxe, lutte. Elle parla également art, peinture, musique, littérature, en femme qui s'adonne à tout cela non par snobisme, mais en femme qui aime réellement, qui connaît bien et les arts et les sports, qui les pratique assidûment, qui les possède à un haut degré. Mais pas une fois, elle ne parla du cirque. Pas une fois, elle n'aborda le sujet des scènes douloureuses qui s'étaient déroulées rue Saint-Honoré ou place de Clichy. À aucun moment, elle ne fit allusion à son intervention chez Ulma, à sa randonnée dans la forêt de Briailles, ni surtout à sa présence inexplicable devant l'hôtel du comte de la Guérinière, à la minute précise où Zigomard vaincu venait de s'abattre. Paulin Broquet l'écoutait, la suivait, lui répondait, discutait avec elle certains points. Mais quoique grisé par le charme extraordinaire de cette femme, il se demandait toujours quel était son but, où elle voulait en venir au bout de tout cela. Il en serait même arrivé à douter que ce fût la même femme. Miss Eden, sous le bouquet de fleurs exotiques piquées dans ses cheveux habilement disposés, parvenait à dissimuler la plaie de sa tempe. Ses cheveux, autrefois d'un blond doré, chaud, maintenant étaient noirs. Mais la finesse de sa peau, sa transparence, son velouté, son grain satiné, révélaient malgré tout la blonde. Et plusieurs fois, Miss Eden, faisant un mouvement, découvrit, légèrement, un peu plus de son épaule. Paulin Broquet put voir quatre sillons rouges. « La marque de mes doigts, pensa-t-il, faite pendant notre lutte, chez moi. » Mais si cela lui certifiait que cette femme était bien son adversaire, était bien Miss Eden, cela ne lui en disait pas plus long, et en somme, ne lui faisait pas faire un pas de plus dans son enquête. Ce soir, de Miss Eden, il n'avait rien appris de nouveau, sauf qu'elle était, dans l'intimité, plus gracieuse, plus instruite et plus étrange encore qu'il ne le soupçonnait. Mais d'elle, d'elle-même, il ne savait rien. De son origine, de son pays, de sa vie, de ce qu'elle était, de ce qu'elle voulait, en somme, autant que la veille, il ignorait tout. « Femme rousse, » se répétait-il, « femme mystère, Miss Eden. » À un moment seulement, Miss Eden, qui jamais ne parlait d'elle, sembla oublier sa réserve et se cita elle-même. Ce fut quand elle parla de son nègre. Ce malheureux était tombé dans les mains d'une bande de blancs, de chercheurs d'or, dans le nord extrême de l'Amérique. Qu'avait-il fait? Quel crime lui reprochait-on? D'avoir volé les pépites ou les provisions de bouche d'un blanc? Je ne sais plus. Peut-être était-il plus grandement coupable, peut-être ne l'était-il pas du tout, mais c'était un nègre. Et ces blancs qui le tenaient allaient montrer qu'ils étaient, eux, les maîtres, les forts, les civilisés, les justes. Ils le suppliciaient. Il avait attaché un tronc de sapin. À coups de fouet, de ce terrible fouet des chasseurs de chevaux, il s'amusa à lui enlever la peau, morceau par morceau. Il jouait à qui mettrait le plus de rouge sur le noir. Le supplice durait depuis longtemps, le noir couvert de sang, car chaque coup de fouet lui arrachait un lambeau de chair, hurlait, se tordait dans ses liens. Un homme, à quelques pas, assistait à ce spectacle et souriait. Il félicitait le blanc qui, après son coup de fouet, laissait le plus de rouge. Enfin cet homme s'avança à son tour. « Vous êtes des enfants, » dit-il, « et vous vous servez de votre fouet comme d'un éventail. » À sa vue, le nègre, qui hurlait de douleur, fut pris d'épouvante. Cet homme lui semblait plus redoutable, plus effrayant que les supplices qu'il endurait. Il fit des efforts de lion enchaîné pour fuir, mais ses liens étaient solides. Ce n'étaient pas des cordes vulgaires ou des chaînes d'acier. C'étaient de menus fils de cuivre qui se pliaient, suivant les mouvements de son corps, mais ne cédaient pas. Et sous l'effort des muscles, coupaient la peau, pénétraient dans les chairs, retenant toujours le prisonnier, mais doublant ses souffrances. L'homme qui s'avançait vers le noir, cependant, n'offrait à la vue rien qui expliquât la terreur que ressentait le malheureux. C'était un homme jeune, à la tête fine, aux grands yeux noirs, il souriait de façon charmante. Mais cet homme, sous cet aspect séduisant, était des plus redoutables. Tous les autres, brutes terribles, tremblaient devant lui. C'était dans un pays où commande la force, la violence, la férocité, le maître reconnu et redouté. Les bourreaux du nègre s'écartèrent avec déférence pour laisser le maître agir mieux à sa guise. Celui-ci regarda le noir, examina les plaies, puis se tournant vers les hommes, en riant, il s'écria « Vous n'êtes que des enfants et des maladroits !» Et désignant les yeux du nègre, il ajouta « Il y a là une jolie petite cible, un rond blanc avec une mouche noire. Personne ne l'a atteinte, je vais essayer. » Il recula de quelques pas, lentement, il déroula son long fouet. Il le fit claquer au-dessus de sa tête pour bien étirer la longe en cuir de buffle et la mèche en fibre d'aloès, puis « Ça va? Vous m'accordez 3 coups ?» Et il frappa sur le nègre. Au premier coup, il enleva le bout de l'oreille gauche. Au second, il fit sauter la lèvre supérieure. Le troisième coup pénétra, comme le bourreau l'avait annoncé, en plein dans l'œil gauche. « C'est odieux !» s'écria Paulin Broquet. « Cet homme est le dernier des bandits !» Mais Seddon, à ces mots, regarda Paulin Broquet. Sur ses lèvres erra un singulier sourire, et de ses yeux mauves, si profonds, jaillit une flamme. Mais elle abaissa aussitôt ses paupières et reprit « Aucun mot, dans aucune langue, n'a la force de dépeindre les cris, les hurlements de douleur du nègre. » Alors il se passa ceci. Le bourreau qui riait, et dont les hommes acclamaient avec enthousiasme l'adresse merveilleusement redoutable, s'écria « Vraiment, ce nègre fait trop de bruit. » Il revint au supplicié. « Tais-toi !» lui dit-il. « Tais-toi ou je t'apprends le silence !» Mais la douleur effroyable avait chassé de chez le malheureux toute terreur. Ce n'était plus un homme qui criait, c'était un animal qui hurlait son mal. Le nègre ne se tut pas. Le bourreau alors lui saisit le cou et serra. La poigne de cet homme est formidable. Sa main, petite cependant, tranchait en blanc sur le cou du colosse de couleur. Elle serra si fort que le sang jaillit entre les doigts. Le noir suffoqua, dut se taire, mais comme il étouffait, ainsi que font les pendus, il sortit la langue. « Ah, l'horrible chose !» s'écria le bourreau. « Rentre ça !» Le nègre, toujours tenu à la gorge, ne pouvait que laisser pendre sa langue. « Quoi ?» s'écria le bourreau. « Tu ne veux pas rentrer ce chiffon rouge ? Il t'embarrasse ? Alors, mon garçon, jette-le à terre !» Se disant, il lâcha la gorge du nègre, mais il lui donna sous le menton un coup en retirant sa main. Et la langue du nègre, coupée net par les dents, tomba sur le sol, aux grands applaudissements des hommes qui acclamaient leur chef, leur maître. Mais Seddon, après un court silence, reprit. « C'est ce malheureux que j'ai délivré, soigné et emmené. Ils doivent en être reconnaissants, fidèles, dévoués, je le crois. » Mais faisant un geste de la main, elle ajouta. « Je le crois, mais c'est un homme, et je n'ai plus confiance, je ne crois plus à rien. » Elle conclut. « Vous l'avez vu. Même mes serpents, à cause d'un peu de froid, me trahissent. » Puis, passant vivement la main devant son adorable visage, comme pour en chasser les pensées, elle s'écria « Bon, laissons cela. Parlons de choses plus gaies. Revenons au sport, à l'art, qui sont les derniers refuges des corps, les suprêmes consolations des âmes. » La conversation reprit sur des sujets d'art, de sport, mais Paulin Broquet, hors l'épisode du nègre supplicié, n'avait rien appris. Revenant après le souper, comme le jour se montrait, il dit à ses hommes, qui le questionnaient du regard, « Mes enfants, nous ne sommes pas plus avancés que ce matin, c'est à refaire. » Mais Paulin Broquet, montant dans son automobile, ne remarqua pas de balayeurs municipaux qui, le balai sur l'épaule, la casquette rabattue sur les yeux, le bas de la figure enveloppé d'un cache-nez, passaient, se rendant à leur ouvrage devant la villa. Ces balayeurs se trouvaient à quelques pas au moment où Paulin Broquet et l'amorce, reconduits par le colossal Big, sortirent par la porte de fer forgé ouverte devant eux. Après que le détective eut monté en voiture avec son lieutenant et qu'il eut disparu, après que la porte de la villa se fut refermée, l'un de ces balayeurs dit à l'autre « Maintenant, Paulin Broquet est à nous !» Et faisant un geste de la main dans la direction de la villa, il ajouta en riant « Merci, Miss Eden. C'est toi qui nous le donnes. »